Voici votre plus récente information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenay-Chicoutimi qui l'ont emporté hier par le compte de 5 à 1 contre le Drakkar de Bécomo. Le Russe Vladislav Kovkov a marqué 3 buts. Et Dallas Mirovic également qui a marqué un but de même que Marc-Antoine Gagné. Jérémy Fortin de Dolboum Cessny a amassé une passe. Et Charles Tremblay de Saint-Félicien a été blanchi. Pour le Drakkar, à noter que Jean-Simon Bélanger de l'Adoré a amassé une passe dans la rencontre. 5 joueurs ont été retranchés hier du camp. Brendan Borstein, Jalen Mency, également William Lemay Champagne, de même que Jérémy Plante. Jeremy Rutsoff est attendu au camp des Sags au cours des prochains jours. Rutsoff a obtenu son visa canadien. Prochain match des Sags demain au complexe sportif du secteur de Delbeau devant une salle comble d'environ 1000 personnes. Et puis, c'est une question des Sags. Hier, on a parlé avec Jérémy Fortin, qui est au camp d'entraînement des Saguenayens. On sait que Jérémy Fortin a été prêté par les Cataractes de Shawinigan aux Saguenayens. Et si ce dernier réussit à se tailler une place, ben Fortin va... les Saguenayens devront donner une compensation aux Cataractes pour avoir les droits sur Jérémy Fortin. Et pour lui, ben, il était très, très content d'avoir passé au Saguenay. Vraiment, là, quand ils m'ont appelé, j'étais vraiment content. J'attendais vraiment pas à ça. Puis j'ai vraiment pris ça comme une motivation supplémentaire. Puis ça m'a donné un petit boost avant le camp d'entraînement. Puis je suis vraiment confiant là. OK. Et pour le bien de sa carrière, ben, Jérémy Fortin estime que c'est quand même mieux d'évoluer avec les Sags. Moi, je pense que c'est mieux avec les Saguenayens. Premièrement, ben, je suis proche de ma famille. Fait que ça leur facilite la tâche. T'sais, ils ont vraiment fait beaucoup de sacrifices pour moi. Puis je suis content pour eux autres que c'est beaucoup de routes puis beaucoup de. Ouais. Tout ça. Fait que tout premièrement, c'est vraiment un plus. Puis ensuite, j'aime vraiment l'organisation. J'aime vraiment les entraîneurs sont intenses. Puis sont honnêtes. Ça a l'air des entraîneurs honnêtes. Fait que j'aime vraiment ça. Puis ça a l'air donnant, là, je pense là, qu'il faut que quand tu en donnes votre entraînement. Dans un dernier temps, ben, Jérémy Fortin est prêt à faire tous les rôles que Yannick Jean est prêt à lui donner. Comme le rôle que l'équipe va vous donner. En fait, je suis responsable, comme tu dis, fait que s'il met sa quatrième ligne, je vais jouer comme un gars de quatrième ligne. S'il met sa troisième ligne, je vais jouer comme un gars de troisième ligne. Mais j'essaie de garder mon jeu simple. OK. Est-ce que Yannick t'a laissé entrevoir que tu pourrais faire l'équipe? Toujours en parlant de hockey, ben les élites de Jonquière sont en camp d'entraînement actuellement. Hier, ils ont perdu par la marque hier contre la formation de Lévis par le compte de 5 à 3. La Ligue senior au fleuve du Lac-Saint-Jean désire avertir que les joueurs qui sont nés en 1995 ou avant, qui sont désireux de faire partie de la Ligue, ben ils devront remplir un formulaire sur le site de la Ligue. Donc l'invitation s'adresse aux joueurs d'Alma, de Chicoutimi et de la Baie. Ces joueurs seront admissibles à un repêchage qui va se tenir le 12 septembre prochain. Au golf, c'était l'Omnium Senior Régional au club de golf Lac-Saint-Jean. Et ça se déroulait mardi dans la catégorie 50-59 ans. Gilles Larouche a ramené une carte de 74. Julien Larouche de Saint-Prime a joué également 64, un pointage net de 64. Chez les 60-64 ans, c'est Raymond Lavoie qui a eu le meilleur pointage avec 78. Dans la catégorie 70-74 ans, Jacques Besson de Dolbeau-Missassigny a réussi un meilleur pointage brut de 76. Puisqu'il est question de golf, on a maintenant les résultats du championnat du club qui se déroulait à Saint-Prime la fin de semaine dernière. Dans la classe 2A, Dave Dumas a été le meilleur chez les hommes, Nathalie Kirtner chez les filles. Jean Lamotte, au niveau A, a été le meilleur, de même que France Kirtner chez les filles. Classe 2B, Claudette Larouche a été la meilleure. Classe 2C, c'est Bernard Thibault. Et au niveau junior, Mathis Hudon, a été le meilleur, de même que Sarah Maud de Lévesque chez les filles. Et au soccer, c'était le gala Méritas de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Donc, on a les différents gagnants dans les différentes catégories. Catégorie U16, équipe féminine, a été décernée. Du côté de l'équipe masculine, U12, elle a été choisie la meilleure équipe de l'association. L'officiel de l'année, ben, c'est Olivier Bouchard. L'entraîneur de l'année, Jérémy Fortin-Dufour. Et l'athlète féminine, Coralie Labrec. Et l'athlète masculin, ou le meilleur joueur de soccer du secteur, ben, c'est Andrew Allard. Et le bénévole de l'année, c'est Martin Dallaire. Donc, une activité qui est quand même, qui plaît beaucoup, beaucoup aux gens du soccer à Dolbeau-Mistassini. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Jérémy Fortin de Dolboom, ceci qui est au camp des Saguenayens de Chicoutimi. On s'est également entretenu aussi avec Pascal Jobin de cette transaction monstre qui est survenue dans la NBA entre les Celtics de Boston et les Cavaliers de Cleveland. Et on s'est également entretenu en terminant avec avec d'autres intervenants du monde du sport. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.